En Corée, les rassemblements de mobilisation des agriculteurs et membres de l'Union des travailleurs agricoles et des permanentes et membres de l'Union des femmes pour auréoler la conférence des pionniers de Malima en celle de vainqueurs ont eu lieu le 14 courant, respectivement au Palais central de la jeunesse et à la Maison des femmes à Pyongyang. Y ont pris part Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du parti, les cadres intéressés, les permanents et les membres de l'Union des travailleurs agricoles et de l'Union des femmes. À la suite de la lecture de l'appel lancé à tous les travailleurs du pays par les créateurs de l'esprit Gangwon-dong, il y a eu les interventions. Les orateurs ont dit que le secret d'être le vrai héros de l'époque Malima est de soutenir fidèlement les idées et la direction du dirigeant suprême Kim Jong-un. Ils ont souligné qu'il faut créer de nouveaux mérites dans la création de la vitesse Malima pour saluer la conférence des pionniers de Malima avec les présents de fidélité et rapports de victoire pour le parti.